I want to look at a few characters in the Bible. Je désire voir quelques caractères dans la Bible. That the Lord found blameless. Que le Seigneur a trouvé sans reproche. Those generals of God. Ces généraux de Dieu. And when you will see what that character of blamelessness. Et lorsque vous verrez ce que ce caractère d'irréprochabilité. How treasured they became before God. Combien précieux ils deviennent devant Dieu. Then you will understand the importance of returning the church. Alors vous comprendrez l'importance de faire revenir l'église. To this garment. À ce vêtement. Can you turn with me to Genesis chapter 6 verse 9? Pouvez-vous tourner avec moi à Genèse chapitre 6 verset 9? One of them is Genesis 6 verse 9. L'un d'entre eux est Genèse 6 verset 9. Just turn with me to Genesis chapter 6. Juste tournez avec moi à Genèse chapitre 6 verse 9. Verset 9. He says. Il dit. This is the account of Noah. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noah was a righteous man. Noé était un homme juste. Blameless among the people of his generation, of his time. Irréprochable au milieu de ses contemporains. And he walked with God. Et il marchait avec Dieu. Blameless. Irréprochable. He's accounting on Noah. C'est l'histoire de Noé. And he's saying. Et il dit. That because of this character of blamelessness. Que à cause de ce caractère d'irréprochabilité within the whole of that world, dans tout ce monde, that generation, cette génération, Noah stood out alone. Noé s'est tenu seul. I just want you to understand what the Lord intends to do with the church. Je désire juste que vous compreniez ce que le Seigneur a l'intention de faire dans l'église. In this world. Dans ce monde. From today on. Dès aujourd'hui. You will fear the salvation you behold. Vous allez craindre le salut que vous détenez. The trivializing of salvation. La banalisation du salut. The mixing it with the world, fooling around, being like everybody else. La mixité avec le monde, folâtrer, être comme n'importe qui d'autre. Will end today. Finira aujourd'hui. It will not happen. Ça n'arrivera pas. But if the garment. Mais si le vêtement. That those wedding rings announce to the nations. Que ces bagues de mariage annoncent aux nations. The garment of righteousness. Le vêtement de justice. If that garment. Si ce vêtement. Bestows upon the church. Accorde à l'église. This character tamine. Ce caractère tamine. Made whole again. Être de nouveau complet. Integrity restored again. L'intégrité de nouveau restaurée. The character of blamelessness. Le caractère d'irréprochabilité. Then when you go to the Bible. Alors quand vous allez à la Bible. And you see. Et que vous voyez. That when God found out that Noah alone. Que lorsque Dieu a découvert que Noé seul. Was blameless. Était irréprochable. He was able to kill the whole earth. Il a été capable de tuer toute la terre. And keep Noah. Et garder Noé. Oh yes. Oh oui. You must understand the gravity of the salvation you have today. Vous devez comprendre la gravité du salut que vous avez aujourd'hui. Because I have finally come. Parce que finalement je suis venu. The jokes in the church are. Les plaisanteries dans l'église sont. Finished. Finies. They are over. Elles sont passées. Because he's saying. Parce qu'il dit. That when he found Noah. Que lorsqu'il a trouvé Noé. Who have that character of blamelessness. Qui a ce caractère d'irréprochabilité. A blameless man. Un homme irréprochable. He was able. Il a été capable. To kill the whole earth. De tuer la terre entière. And begin a new generation with that blameless man. Et de commencer une nouvelle génération avec cet homme irréprochable. In the whole of his generation, only he was found blameless. Dans toute cette génération, lui seul a été trouvé sans reproche. Did you understand what Jesus intended to do with the church? Avez-vous compris ce que Jésus avait l'intention de faire avec l'église? When he brought her this salvation of the garment. Quand il lui a amené ce salut du vêtement. Did somebody understand this thing? Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? He intended that out of the whole world you stand out like this. Il avait l'intention que parmi le monde entier vous vous distinguiez comme ça. That whether there is so much sin of whichever type. Que là où il y a tellement de péchés, quelle que soit la sorte. However, cependant, when you look at the church, quand vous voyez l'église, he is able to rubbish the whole earth, il est capable de jeter la terre entière and remain with only the church. Et rester avec seulement l'église. There is a new day in the house. Il y a un jour nouveau dans la maison. Yeah, today marks a new beginning, a morning in the church. Aujourd'hui marque un nouveau commencement, un matin dans l'église. A new reality has come to you. Une nouvelle réalité est venue à vous. He's saying, il dit, when he found Noah, quand il a trouvé Noé, to have that character blamelessness, avoir ce caractère d'irréprochabilité, the character that the garment he gives us of righteousness, le caractère que le vêtement qu'il nous donne de justice bestows on the church, accorde à l'église, bestows on the church, confère à l'église, that when he found Noah alone, he was able to destroy the whole earth, que lorsqu'il a trouvé Noé seul, il a été capable de détruire la terre entière, and keep Noah alone, et garder Noé seul. Oh. Ouf. Then that garment, alors ce vêtement, gives treasure to church, donne un trésor à une église, was supposed to make the church stand out, était supposé rendre l'église debout. But why, que pourquoi, has the church mixed herself to look like the world, l'église s'est mélangée elle-même pour ressembler au monde. Oh yes. Oh oui. We are all suffering. Nous souffrons tous. Everything is hard here. Toutes choses sont dures ici. There's so much sin everywhere. Il y a tellement de péchés partout. How come? Comment est-ce possible? How come? Comment est-ce possible? When you were supposed to stand out. Lorsque vous étiez supposé vous tenir debout. You say, even though the whole world be, même le monde entier a été drowned in sin, conduit dans le péché. When you look at the church that has the garment, quand vous voyez l'église qui a le vêtement, stand out, debout. Did you understand the authority of your salvation today? Avez-vous compris l'autorité de votre salut aujourd'hui? It is righteousness. C'est la justice. Oh. Ah. How can a man come here? Comment est-ce qu'un homme peut venir ici and start preaching et commencer à prêcher the ancient gospel of the old wedding rings, l'ancien évangile des vieilles bagues de mariage, in a modern Durban, dans une ville moderne? How is that possible? Comment est-ce que c'est possible? Unless the Messiah is about to come. Sauf si le Messie est sur le point d'arriver. He's not come to promise checks in the mail. Il ne vient pas promettre des chèques dans le courrier. He's not come to promise financial wealth transferred from the world to the church. Il ne vient pas promettre une richesse financière transférée du monde à l'église. Non. Non. He has come to talk about the return to the gospel of the cross and the blood. Il est venu parler de l'évangile de la croix et du sang. The return to the salvation of the cross and the blood. Le retour au salut de la croix et du sang. And he says, et il dit, in that salvation, dans ce salut, there's a beautiful garment that was handed down to the church. Il y a un beau vêtement qui a été transmis à l'église. The garment that erases accusation from her. Le vêtement qui efface les accusations contre elle. And it doesn't matter. Et ça n'a pas d'importance. That garment is still working today. Ce vêtement fonctionne encore aujourd'hui. If there is homosexuality in the church, s'il y a de l'homosexualité dans l'église, and the church is being accused, et l'église a été accusée maintenant, that garment can still erase that accusation. Ce vêtement peut encore effacer cette accusation. She can still go back and wear that garment. Elle peut encore se retourner et porter ses vêtements. It doesn't matter the number of abortions and scandals. Ça n'a pas d'importance le nombre d'avortements et de scandales. Noah is one classic example, one of the generals of God. Noé est un exemple classique, un des généraux de Dieu. Blamelessness. Irréprochabilité. That character the garment brings to the church. Ce caractère que le vêtement amène à l'église. Did that to him. L'a fait pour lui. He stood out treasure before God. Il s'est distingué trésor devant Dieu. How about the book of Genesis 17:1? Qu'en est-il du livre de Genèse 17:1? Genesis 17:1 and go to the next thing. Genèse 17:1 et je vais à la chose suivante. Abraham was 99 years old. Abraham avait 99 ans. The Lord appeared to him and said, le Seigneur lui est apparu et lui a dit, I am God Almighty. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Walk before me and be blameless. Marche devant moi et sois irréprochable. When the Lord was able to catch Abraham blameless, lorsque le Seigneur a été capable de prendre Abraham irréprochable, this character that the garment brings to the church, ce caractère que le vêtement amène à l'église, when the Lord was able to find that Abraham became blameless, lorsque le Seigneur a été en mesure de trouver qu'Abraham est devenu irréprochable, in other words, he bore the character of blamelessness. En d'autres termes, il porte le caractère d'irréprochabilité. Look at what happened. Even the Messiah came out of him. Voyez ce qui est arrivé. Même le Messie est sorti de lui. That is how exclusive he became. C'est combien il est devenu exclusif. Even the Messiah came out of him. Même le Messie est sorti de lui. Job chapter 1 verse 1. Job chapitre 1 verset 1. Job chapter 1 verse 1. Job chapitre 1 verset 1. This is what he says here. C'est ce qu'il dit ici. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. Dans le pays d'Uz vivait un homme, son nom était Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Cet homme était irréprochable et droit. Il craignait Dieu et fuyait le mal. Hey! The character of blamelessness. Le caractère d'irréprochabilité. The authority of the garment of righteousness. L'autorité du vêtement de justice. That when Noah was found blameless, he stood out. Que lorsque Noé a été trouvé sans reproche, il s'est distingué. Heaven treasured him. Les cieux en ont fait un trésor. When Abraham was found blameless, quand Abraham a été trouvé irréprochable, heaven treasured him. Les cieux en ont fait un trésor. When Job is found blameless, lorsque Job a été trouvé irréprochable, au verset 8, even verse 8 you hear the Lord saying, même au verset 8, vous entendez le Seigneur dire, Satan, have you tried him? Satan, l'as-tu mis à l'épreuve? You cannot even touch him. Tu ne peux même pas le toucher. Verse 8 of Job. Le verset 8 de Job. Job 1, 8. Job 1, 8. And he says, et il dit, then the Lord say to Satan, alors le Seigneur dit à Satan, have you considered my servant Job? As-tu considéré mon serviteur Job? There is no one on the whole earth like him. He is blameless. Il n'y a personne sur la terre entière comme lui. Il est irréprochable. That is what the Lord wanted to say about the church. C'est ce que le Seigneur désire dire de l'église. But there is no one like her. She is blameless. Il n'y a personne comme elle. Elle est irréprochable. Even though South Africa, même si l'Afrique du Sud may be drenching and draining and drowning and falling and wallowing in sin and mud, peut se tremper et s'épuiser et se noyer et tomber et se vautrer dans le péché et dans la boue. But look at the church. Have you considered the church? Mais voyez l'église. Avez-vous considéré l'église? She is blameless. Elle est sans reproche. But today, everybody is pointing an accusing finger to the church. Mais aujourd'hui, tout le monde pointe un doigt accusateur sur l'église. There are scandals. Il y a des scandales. There are scandals. Des scandales. Oh, have you heard about that person? Oh, avez-vous entendu parler de cette personne? I'm told, you know, he lied to his people. Dont on m'a parlé maintenant, il ment à ses gens. I'm told there is a widow crying there. On m'a dit qu'une veuve pleure ici. She revealed to him how much she had in the account. Elle lui a révélé combien elle avait sur son compte. Then he brought a prophet, a false one from Nigeria. Ensuite, il a amené un faux prophète du Nigeria. And he leaked to the prophet how much money she has in which bank. Et il a répété au prophète combien elle a d'argent en banque. The false prophet. Le faux prophète. So he started coming here and saying her name, saying the amount of money, saying the bank. Donc il a commencé à venir ici, disant son nom, disant la somme d'argent, disant la banque. And then she wrote that check. Et ensuite, elle a écrit ce chèque. There is a scandal. C'est un scandale. There is a scandal in the church. Il y a un scandale dans l'église. There is a scandal of abortions in the church. Il y a un scandale d'avortement dans l'église. There is a scandal in the church. Il y a un scandale dans l'église. On how pastors, sur comment les pasteurs have now become business people, sont devenus maintenant des hommes d'affaires that Jesus had chased away from the house. Que Jésus a dû chasser hors de la maison. They have gone back. They are back. Ils sont revenus. Revenus. There is a scandal. Il y a un scandale. There's a scandal. Every direction there is an accusing finger. C'est un scandale. Dans chaque direction, il y a un doigt accusateur. Some of the leaders certains dirigeants have not received Jesus. Why? N'ont pas reçu Jésus. Pourquoi? Because when they look at the church, they know everything about her. Parce que quand ils voient l'église, ils savent tout d'elle. So they don't want to hear about the Jesus that church preaches. Alors, ils ne désirent pas entendre parler du Jésus que cette église prêche. There is a scandal. Il y a un scandale. There's an accusing finger. Il y a un doigt accusateur. Have you heard about the abortion? Avez-vous entendu sur l'avortement? Yeah, he told that baby belongs to that pastor. Oui, il a dit que ce bébé, il est du pasteur. There is a scandal. C'est un scandale. And he said, et il dit the original intention l'intention originale was that when the gospel is given, était que lorsque l'évangile est donné, then that free, fine linen, bright and clean was given her. Where? Du fin lin éclatant et pur lui a été donné pour se vêtir gratuitement. The authority of that garment, authority. L'autorité de ce vêtement, l'autorité. This much sin, de détruire le péché and to restore innocence, guiltlessness, blamelessness. Et de restaurer l'innocence, non coupable, sans blâme.